Selon NewsIS de Corée du Sud, la formation Légion pour la paix et la réunification a livré le 13 septembre devant le ministère des Affaires étrangères une action de paix pour un dialogue en faveur de la paix dans la péninsule coréenne. Et le journal d'internet Plessian a porté un écrit de Park Hong-soo, chercheur de l'Institut de la Corée, qui révèle le vrai but de la disposition de Saad.